Les Débravés, chapitre 16. Tandis que tant de passions, de haine et d'intérêt s'efforçaient de mettre entre elle et Max la chaîne des Alpes et aussi l'autre chaîne, Geneviève, en proie à un délire presque furieux, se déchirait la figure avec les ongles et se tordait dans les draps où Clémentine avait été si heureuse de l'introduire. Dès le lendemain, des accidents cérébraux se déclarèrent. Une méningite fut jugée imminente. Pendant 2 jours et 2 nuits, un petit sac de toile rempli de glace, constamment renouvelé, resta collé à son front. L'état de stupeur où elle était tombée dura près de 3 semaines sans grande souffrance apparente. Mais pendant qu'elle restait des journées entières sans faire un mouvement, allongée dans le lit, Max, lui, ne se couchait plus. Il passait les plus belles moitiés de ses nuits à promener ses insomnies dans les rues les plus désertes. Il n'avait pas oublié que Geneviève veillait rarement plus tard que 10 heures. Et à 2 heures du matin, il était encore dehors, dans l'espérance vague de la rencontrer. Dans les premiers jours, il avait, aux yeux de son père, accepté presque gaiement sa mésaventure. Il en riait, même jeune, mais il en riait. Puis cette bravoure était, heure par heure, tombée au-dessous de zéro. Il en était arrivé de ne plus pouvoir prononcer le nom de Geneviève sans un déchirement qui lui faisait blêmir les joues et lui pincer les narines. La nourriture s'arrêtait au gosier. Quand, l'estomac ravagé par le jeûne de la veille, il s'asseyait à la table de son père, il se jetait sur le potage comme s'il avait eu la résolution de l'emporter d'assaut. Mais à la seconde gorgée, la cuillère lui tombait des mains et il passait au dessert pour avoir un prétexte à déclarer qu'il avait dîné. Il se levait alors et descendait sur la voie publique où il commençait à décrire des courbes et des diagonales. Il interrompait cet arpentage pour entrer dans un théâtre, poussé par le désir âcre de l'y rencontrer, dût-il ne l'y avoir pas trouvé seul, ou pour s'asseoir à l'entrée d'un café, d'où il aurait pu l'avoir passé. Il croyait la reconnaître dans toutes les voitures. Il eût semblé l'apercevoir à toutes les croisées. Il se tenait à 4 pour ne pas la chercher sous tous les meubles. Et réalisa enfin le titre de ce rat empoisonné prédit par la vieille Esther. Ce que les masses appellent ironiquement des peines de cœur offre cette particularité de n'inspirer aucune pitié à personne, bien qu'aucune douleur physique ne dépasse en violence et en acuité les souffrances de cette nature. Vous plaignez sincèrement un homme atteint de rhumatisme articulaire. Vous riez au nez de l'homme atteint d'amour, trahi ou non partagé. Il est convenu, dans le langage passionnel, que le foie, la rate, le cerveau sont des viscères nécessaires, mais que le cœur est un organe de luxe. Dire de l'infortuné qui sèche sur pied en attendant le retour de celle qui ne revient pas. Eh bien, bon enfant, de se désespérer pour une femme qui se moque de lui, paraît être au plus bienveillant un pansement suffisant pour ce genre de blessure. On ne songe pas assez qu'un amant n'a de raison d'être désespéré que si sa maîtresse se moque de lui. Sans quoi ce désespoir n'aurait pas d'objet. Le docteur Ouzolo assistait donc avec philosophie au progrès de l'assombrissement de Max et au creusement de ses yeux. Il se disait, en le voyant fondre dans ses vêtements devenus trop larges, « Bah, il est comme tant d'autres. » Si Max avait eu la fièvre typhoïde, le docteur aurait passé les nuits à son chevet, sans penser que son fils était également comme tant d'autres qui avaient eu la fièvre typhoïde avant lui. La maladie de Geneviève, qui rendait toute rencontre impossible entre elle et Max, eut au moins un résultat. Lorsque la raison de la jeune fille se dégagea du nuage où elle avait macéré 3 semaines durant, son pied se trouva à peu près remis. Elle voulut incontinent se lever et sortir. « Du moment où je pourrai marcher, dit-elle à Clémentine, je vais me louer un logement n'importe où. Si je meurs, je ne veux pas que ce soit chez vous. » Et il ne me manquerait plus que de vous donner cet embarras-là. Clémentine avait l'intention de transformer aussi longtemps que possible son hospitalité en emprisonnement, mais une complication imprévue, qu'elle aurait cependant dû prévoir, vint lui forcer la main. Reçue depuis quelques jours dans la salle à manger où Clémentine avait fait dresser pour elle un lit canapé, Carbonel brûlait de donner son coup d'œil d'artiste à cette Geneviève dont la beauté avait la propriété de pousser aux derniers excès la jalousie de ses voisines. Elle était arabe, elle ignorait son âge, Elle était honnête, qualité éminemment affriolante pour un amateur d'aussi haut goût. C'est pourquoi, quand il devait venir, Clémentine fermait à double tour la porte de la chambre bleue et en cachait la clé dans le fond d'une soupière hors d'usage. Deux fois, elle avait surpris ce chercheur obstiné, l'œil collé au trou de la serrure, dans l'espoir d'entrevoir de Geneviève ce qu'il fallait pour juger du reste. Cette curiosité persistante finit par inquiéter Clémentine. L'hiver approchait, et avec lui, nombre de soirées et de bals dans lesquels Carbonel s'était engagé à la conduire et à la produire. Elle eût été fort désappointée d'être plantée là, au moment même où elle avait le plus besoin de son cornac pour mettre en lumière des charmes éclos en pleine morte saison. À supposer que le vieux, mais inconstant, Ludovic s'énamoura de Geneviève et lui offrit de signer avec elle un bail pour la location de la chambre bleue où le hasard l'avait conduite. Clémentine, qui avait le pied dans l'étrier, se trouvait exposée à vider les hameçons. Elle aurait pu se rassurer avec cette réflexion que Geneviève repousserait probablement avec dégoût les offres réelles ou non que pourrait lui faire l'insidieux Carbonel. Ce tableau d'une jeune fille pauvre, refusant des offres, ne se présentait même pas à son esprit. Carbonel lui avait promis de lui faire un sort, et ce sort était en péril. Il n'y avait pas à hésiter. Elle a présenté à Esther la déclaration qui suit. Carbonel rôdait depuis quelque temps autour de Geneviève avec une ténacité insupportable. Si une résolution radicale n'était pas prise, les choses pouvaient s'aggraver. Carbonel était un fantaisiste de qui on ne se défierait jamais assez. Au cas où Geneviève tomberait dans ses griffes, il serait capable de la rendre aussi redoutable que ses autres maîtresses, et elle profiterait peut-être des armes qu'il savait si bien fournir à ses élèves pour se venger de celles qu'il avait réduites au désespoir. Cette fille-là, une fois lancée, avec son teint extraordinaire, ses énormes yeux noirs et son originalité, c'était leur mort et leur aplatissement à toutes. En outre, elle pleurait du lever au coucher du soleil, en redemandant son Max, et voir une femme aimer un homme à ce point-là, humiliée et déconcertée, Clémentine. Bref, elle serait heureuse de se débarrasser, dans le plus bref délai, d'une société aussi dangereuse sous tous les rapports. Ma foi, dit Esther, quand Clémentine eut terminé son exposé de motifs, Geneviève tombant du fils Houzeau au père Carbonel, ce serait peut-être une solution. Mais du tout, mais je m'y oppose, réclama Clémentine. D'abord, j'y suis habituée, moi, à cet ancien-là. Il est si farce, et puis il sait tant de choses. Ensuite, ça me pose d'être avec lui. S'il me quittait à 7 heures, surtout pour Geneviève, je n'oserais plus me présenter nulle part. Voyez-vous, si cette fille-là reste encore 8 jours chez moi, il y aura un malheur. Oh, ma petite, si tu tiens à ce qu'elle ne soit pas Madame Houzeau, évite ce scandale. Le moins d'esclandre découvrirait le poteau rose. Maintenant, réponds-moi. Tu as la certitude qu'elle est toujours folle de son Max? C'est à ne pas le croire. Elle m'a répété pendant toute la soirée d'hier qu'elle était fâchée d'avoir quitté sa chambre de la rue Saint-Martin au lieu d'y attendre Max et son père, qu'elle se serait jetée à leurs pieds, qu'elle aurait supplié Max de la garder après son mariage, comme sa maîtresse ou comme sa domestique, à son choix, que pour ne pas inquiéter sa femme, elle entrerait en service chez M. Houzeau père, qu'elle savait faire un peu de cuisine et qu'elle ne demanderait pas de gage. Elle est en démence, quoi. C'est bien, je me charge de tout concilier. Geneviève ne t'inquiétera plus, et Max ne la rencontrera pas. Mais c'est à condition que tu m'obéiras sans discuter. Moi? Est-ce que je discute? Tu lui raconteras que tu connais une dame âgée. Ne crains pas de dire que la dame est âgée. Laquelle s'occupe de placer convenablement les jeunes orphelines qui ne peuvent sans danger habiter seules une ville comme Paris. Tu ajouteras que cette dame qui, dans le temps, a fait obtenir des secours à ta mère, a entendu parler de l'événement miraculeux de la rue Saint-Martin, et qu'elle s'intéresse vivement à celle qui lui a été si incontestablement sauvée par la providence d'une mort certaine. Alors tu me l'enverras. Voilà tout ce que je te demande. Justement, Geneviève me répétait encore ce matin qu'au cas où il serait impossible de revoir Max, elle était décidée à se mettre au couvent. C'est excellent. Je m'engagerai à l'y faire entrer, si elle persiste dans sa résolution. Ah, à propos, tu ne l'enverras pas demander Esther tout court, bien entendu. Pour mon propriétaire, je suis Madame du Corroy, par un grand C, autant que possible. Clémentine, munie d'instructions suffisantes, expliqua à Geneviève qu'une dame de charité, au courant de ses infortunes, offrait de lui servir de protectrice et de chaperon au milieu des steppes de la vie. Madame du Corroy, qui, croyait-elle, était baronne, avait déjà tendu la perche à de nombreuses orphelines tombées dans le malheur. Elle avait proposé à maman de me prendre avec elle, ajouta Clémentine de son cru. J'ai refusé. J'en connais maintenant que j'ai eu tort. Le lendemain, Geneviève agrafa sa petite robe aussi haut que possible et enfonça ses cheveux au plus profond de son chapeau, dans la crainte horrible où elle était d'avoir devant cette dame l'air évaporé. Elle sait que j'ai cessé d'être une fille sage, disait-elle en achevant de s'habiller. Elle, une baronne, comment va-t-elle me recevoir? Clémentine, étouffée de formidables envies de rire devant les précautions que prenait Geneviève pour ne pas choquer la pudeur de Madame Esther. Tu es très convenable, je t'assure, répondait-elle aux inquiétudes de la jeune fille. Allons, dépêche-toi. Madame du Corroy t'attend. Les personnes de ce monde-là n'ont pas l'habitude d'attendre. Madame du Corroy reçut Geneviève au milieu de ses meubles de satin jaune, recouverts de leur housse blanche. Nous disons à Madame du Corroy, car Esther s'était arrangée pour ressembler à tout, excepté à elle-même. Ses cheveux, qui habituellement rejetés en arrière, montraient effrontément à nu, un front qui n'avait peut-être jamais rougi, avaient été, pour la circonstance, ramenés sur le haut de la tête, où il s'enroulait selon les préceptes de la coiffure dite au bel oiseau. Elle était vêtue de cachemire noir, mais boutinée dans une robe à taille réelle tellement courte que sa gorge lui en remontait jusqu'au menton. Elle avait su se donner, enfin, l'aspect poussiéreux des portraits de cette époque, où la peinture et la presse étaient à 40 francs. On avait enlevé du salon quelques tableaux à sujet cru, ainsi que la gravure représentant la nymphe baignée dans une nuée. Asseyez-vous là, près de moi, dit Esther, en désignant une place à côté d'elle, sur le plus grand de ses canapés, à Geneviève, qui tournait dans le salon, sous le coup d'une émotion inexprimable. Nous avons à nous confier des choses trop intimes pour que vous teniez ainsi à distance. Elle attira Geneviève, qui s'assit toute confuse, et dont elle prit la main dans les siennes avec une affectation de sympathie qui voulait dire « Vous m'apportez un cœur ravagé par des passions, inconnues ici, mais après 1800 et tant d'années, je suis l'exemple de Jésus-Christ qui entrait volontiers en conversation avec la Samaritaine. » Madame, dit Geneviève, vous savez probablement déjà comment il a pu se faire que je me sois permis de venir vous importuner et vous. Oh oui, interrompit Esther. J'ai déjà entendu parler de vous, notamment par cette petite Clémentine, une jeune fille que je me suis vainement attaché à sauver. Elle m'a appris que vous habitiez chez elle, momentanément, il est vrai, et par suite d'événements tellement douloureux qu'ils vous ont en quelque sorte enlevé votre libre arbitre. Cette Clémentine n'en est pas moins une déplorable connaissance pour vous. Il faut vous éloigner d'elle à tout prix. Me le promettez-vous, mon enfant? La confiance qu'Esther avait besoin d'inspirer exigeait qu'elle sacrifiât avant tout Clémentine. Elle n'avait pas hésité un instant devant cette immolation. Clémentine m'a recueillie dans un moment où j'étais abandonnée par tout le monde, répondit Geneviève. Sans elle, je serais morte. Mais que vous êtes bonne, madame, de vous intéresser si vivement à une pauvre fille que vous ne connaissez même pas. J'ai appris que vous aviez beaucoup souffert et que vous étiez laissé aller à un de ces actes de désespoir comme les amours mal dirigés en font quelquefois commettre. Un mot, en outre, vous donnera la clé de cette sympathie que vous m'inspirez et qui vous étonne. J'ai perdu l'an passé une enfant de votre âge. Elle était fiancée à un jeune ingénieur qu'il adorait. Dans 8 jours avant la signature du contrat, il a été tué en duel. Elle est morte de chagrin 3 mois après lui. Comprenez-vous maintenant? Geneviève, profondément remuée devant cette mère en deuil, se jeta dans les bras d'Esther dont elle mouilla le col en crêpe noire. Mais c'est de vous qu'il faut s'occuper, reprit la triste Ducoroy, comme chassant un souvenir. Car il paraît que vous êtes allé au-devant de la mort, à laquelle vous n'avez échappé que par la protection visible de la Providence. En effet, madame, répondit la rougeur au front, Geneviève, convaincue, pour l'avoir lu dans les livres d'auteurs extrêmement attachés à la vie, que le suicide est une lâcheté. En effet, j'ai cédé à un mouvement criminel, et c'est pour ne pas succomber encore à cette tentation que j'ai osé venir vous supplier de m'accorder une faveur. Laquelle, mon enfant? La faveur d'entrer dans un couvent. Le couvent? Oh, mon enfant, c'est là une bien grosse résolution. Avez-vous la vocation? Car si vous ne l'avez pas. La vocation, je ne crois pas l'avoir beaucoup, madame. J'ai tout de suite pensé au couvent, parce qu'une fois là, on n'en sort jamais, qu'on ne peut pas regarder dans la rue, et que je serai sûr de ne plus l'apercevoir. Figurez-vous, madame, c'est à n'y rien comprendre. Dès que je l'aperçois, il me passe un brouillard, et je ne sais plus ce que je fais, mais plus du tout. En admettant que le couvent modifie cet état maladif, vous ne pourriez y entrer actuellement, car si on m'a dit vrai, vous n'appartiendriez pas à notre sainte religion. Esther adapta ces derniers mots, une intonation dont le sens était « De tous vos malheurs, celui-là est certainement plus grand. »« Vous avez raison, madame, dit Geneviève, qui avait oublié complètement les liens qu'il attachait à Mahomet. « Je ne suis pas catholique. J'ai appris il y a un mois seulement que j'étais arabe d'origine et que j'avais été amené de Sétif en France par une colonne de l'armée française. » Esther, selon l'habitude des femmes serrées de près par l'invasion des années, s'était assise à contre-jour en face de sa jeune interlocutrice, placée en pleine lumière et dont le profil ressortait comme une médaille d'argent sur le fond jaune de la tapisserie. La vieille meneuse de quadrille ne pouvait détacher ses regards de cette figure pâle, vivifiée par des yeux énormes, agrandis par la maladie, de ce nez légèrement aplati, mais frémissant et passionné, de ses lèvres vigoureuses, sanguines et appétissantes, comme un bouquet de framboises. La physionomie générale était noyée dans une sorte de mélancolie tendre qui rappelait la langueur répandue sur ce portrait de la duchesse d'Albe exposé à la galerie Saint-Ferdinand à Madrid dans son costume de majot. Pauvre idiote, fieffée crétine, pensait Esther tout en passant sa revue. Aller demander à s'ensevelir dans un couvent quand tu n'aurais qu'un signe à faire, qu'un désir à ébaucher, pour mettre le feu aux cœurs les plus éteints, pour faire maigrir de jalousie les filles les plus en vogue, pour pousser les fils de famille les plus loyaux, et même leur père, à fabriquer des fausses lettres de change. Cet entrecroisement de réflexions avait coupé la parole à Esther. Geneviève, qui interprétait dans un tout autre sens cette attention silencieuse, reprit d'une voix navrée. Ainsi, on ne peut m'accepter nulle part, même dans un cloître. Eh bien, répliqua Esther presque gaiement, puisqu'il vous est défendu d'être l'épouse du Christ, il faut devenir l'épouse d'un autre. D'un autre? De quel autre? Fit Geneviève étonnée. Mais de monsieur Maximilien Ouzelot, dit Esther, servant à Geneviève le nom de son amant, comme une surprise à la fin de repas. Puisque vous êtes unis devant Dieu, mon devoir est de tâcher de vous unir devant les hommes. Mais madame, il en épouse une autre. Vous ne le saviez donc pas. Regardez-moi, mon enfant. Me supposez-vous capable d'ajouter aux douleurs d'une jeune fille à plaindre, comme vous l'êtes, en la berçant de promesses irréalisables? Si je fais briller à vos yeux la perspective d'un mariage qui comblerait vos voeux en vous réhabilitant aux yeux de tous, c'est que j'ai quelques raisons d'y croire. Ne vous montez pas la tête outre mesure. Mais ne jetez pas non plus le manche après la cognée. Ah, madame, dit Geneviève mourante, vous allez me tuer. Vous l'avez donc vu. Tout ce que je puis vous affirmer, quant à présent, c'est que votre disparition l'a jetée dans un désespoir incurable. Il soutient que vous êtes méprise sur ses intentions à votre égard, et que s'il a eu des torts, vous n'en êtes pas exempte de votre côté. Mais moi, des torts? C'est bien possible, au fait, j'ai si peu de tact, je suis si mal élevé. Il lui a fallu une patience d'ange pour ne pas se fatiguer 2 mois plus vite. Enfin, soit que ses projets d'union avec une autre n'aient pas tenu devant le chagrin de vous perdre, soit qu'en réalité, il n'ait jamais songé sérieusement à prendre une femme qui ne fût pas vous. Tout ce qu'il demande actuellement, c'est la possibilité d'avoir, avec vous, une explication définitive. Vous croyez qu'il consentira à m'écrire? Vous écrire? Non, il veut vous parler. Me parler, lui, à moi? S'écria Geneviève, se levant toute droite, les yeux fixes, et recommençant à battre la campagne. Mais il veut donc me rendre tout à fait folle. Si je le vois, je n'aurai plus la force de le quitter. S'il voulait me parler, pourquoi ne m'a-t-il pas prévenu? J'aurais fait provision de courage. Ah, fit-elle tout à coup, en poussant un grand cri. Il me semble que j'ai entendu marcher à côté. Je suis sûr qu'il est là. Il n'est pas là, répondit Esther. Du calme. Il ne peut pas y être, d'abord parce qu'il ne me connaît pas. Ensuite, parce qu'il ignore absolument où vous êtes réfugiée après votre départ. Il n'est même pas certain pour lui que vous soyez encore vivante. Pauvre cher ami, il faut le rassurer. Je ne veux pas qu'il me croie morte. Vous lui ferez savoir que je me porte bien, que mon pied guérit, n'est-ce pas, madame? Il serait infiniment plus simple de le lui apprendre vous-même. Qui vous empêche de lui faire aujourd'hui si même une lettre où vous lui annoncerez que vous vivez, qu'il a été bien coupable, mais que vous lui pardonnez, ce qui vous passera par la tête, enfin, et trouvera tout superbe. Une lettre? Il va me la renvoyer sans la décacheter. Lui, il embrassera le facteur qui la lui remettra, fit Esther, perdant de vue son personnage. S'il soupçonnait que vous êtes ici, il serait déjà à la porte, à genoux sur mon paillasson. Esther se retrouvait dans son élément et la courtisane reprenait le dessus. Mais l'exaltation qui s'était emparée de Geneviève l'empêchait de prêter la moindre attention à des trivialités quelque peu surprenantes chez une dame de charité. Le revoir, se disait Geneviève, affamée de tendresse et savourant cette manne d'amour qui lui tombait sur le cœur. Lui parler, l'appeler Max, comme autrefois. Autrefois, pour elle, c'était 15 jours. Entendre encore sa voix un peu traînante le soir, sans lumière s'il le fallait. Se sentir la main serrée par la sienne. Car il aurait beau être furieux contre elle, il ne pourrait moins faire que de lui serrer la main. Tout disparaissait devant ce rêve d'opium, devant ce songe d'une nuit d'été. Alors, asseyez-vous là et écrivez, dit Esther en ouvrant devant Geneviève un buvard incrusté de nacre placé sur un guéridon. Mais, fit observer Geneviève, qui avait déjà pris la plume, où pourrais-je le rencontrer? Jamais je n'oserais retourner dans ma petite chambre de la rue Saint-Martin. Je l'ai quitté d'une façon si brusque. En effet, il y aurait là un prétexte à scandale, et c'est ce qu'il est utile d'éviter. Vous ne pourrez reparaître dans cette maison qu'au bras de votre mari. Comment y prendre, alors? Je ne peux pas aller le trouver chez son père. À coup sûr. Mais je suis là, moi. Comme je tiens à assister à l'entrevue, afin de lui conserver le caractère qu'elle doit avoir, il est tout simple que je vous prête l'appartement où elle aura lieu. Je pourrais le voir ici? Non, pas ici, dit Esther. Si, par impossible, les pourparlers n'aboutissaient pas, si vous décidiez à ne plus le revoir, il est inutile qu'il sache où vous vous retrouvez. Tout est prévu, j'ai la maison qu'il vous faut. Un sourire plissa les joues d'Esther. Elle avait, avant l'arrivée de Geneviève, esquissé un plan qui venait de s'achever dans son esprit. Reprenez la plume, ajouta-t-elle, et écrivez. Je vais vous dicter votre lettre. Vous êtes trop ému pour enchaîner de phrases. Geneviève la regarda avec componction et attendit. Fin.